Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Lavoie et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens. Jésus, viens. Nous t'accueillons. Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons. Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les actes terroristes sont de plus en plus légion dans notre société. Depuis le début de cette matinée, on parle d'une prise d'otage qui a lieu au Mali dans un hôtel. On parle de 138 personnes encore retenues au sein de l'hôtel, 30 personnes libérées et 18 otages tués. Il y a deux jours, la secte islamique, pour le cas du Cameroun, Boko Haram, laissait sur le carreau dans la région du Septentrion 8 victimes et de nombreux blessés. Le clou s'est enfoncé le jeudi 13 novembre dernier. Au cours de l'attentat survenu à Paris, où plus de 100 personnes ont perdu la vie, cet attentat a créé un boom communicationnel et a donné naissance à plusieurs clans, notamment deux clans. Désormais, des pro-français ont envoyé des messages de soutien, ont changé leurs photos de profil sur les réseaux sociaux, tandis que les dissidents ou anti-français pensent que nous n'avons même pas fini de pleurer nos morts qui tombent chaque jour dans le Septentrion. Alors, deux franges, mesdames et messieurs, les pro-français, ceux-là qui sont camerounais, mais qui à l'effigie de la France, ont désormais changé leur profil sur les réseaux sociaux, et d'autres qui estiment que non, vraiment le Cameroun a ses morts encore à pleurer, qui tombent chaque jour dans l'Occident. Je voulais parler dans le Septentrion, bien entendu. Mesdames et messieurs, le thème qui sera abordé en cette soirée, attentat du 13 novembre à Paris, les Africains doivent-ils porter le deuil ? Attentat du 13 novembre à Paris, les Africains doivent-ils porter le deuil? C'est le thème qui sera mis au devant des feux de projecteurs tout au long de cette émission. Vous pourriez participer à cette émission en composant à partir de 19h précise le 243 07 56 32 ou alors en nous envoyant des SMS au 699 49 37 90. Cette émission est une mise en nom de Tonton Théo. À ce micro de présentation, je suis Franck Stéphane Mevoix. Je vous dis bienvenue, bonsoir. Une musique de mise en condition. Onel Mala qui chante Vêtu de gloire. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Ouais, ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, Adonai viendra. Oh ouais, ouais, ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là, ce jour-là, on dira. le verra. Toute langue le confessera. Devant lui, tout genou fléchira. Tout genou fléchira, lui grand en honneur et gloire. On dira, on dira. Alléluia, alléluia. Ah, les enfants, j'imagine tous ces enfants qui monteront sur les épaules de papa. Envie de voir ça, yeah, yeah. L'aveugle le verra, et même le sourd l'entendra. Oh, yo, yo, yo. Le muet le chantera. Pour lui, le paralytique se lèvera. Ce jour-là, ce jour-là, on dira, on dira, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Oh, ce jour-là, ce jour-là, on dira, on dira, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Retour dans ce studio de Radio Bonne Nouvelle à 99.6. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue. Si vous nous prenez à présent, vous êtes connectés sur l'émission Lumière sur les ondes. Lumière sur les ondes, on nous écoute partout à Bonaberry. On va dire d'ailleurs bonsoir à une sœur en crise qui nous écoute du côté de Bonaberry, Mademoiselle Moukouri. Voilà, bonsoir. Mesdames et messieurs, nous entrons de plein pied dans cette émission. Le thème ce soir, attentat du 13 novembre à Paris. L'Afrique ou alors les Africains doivent-ils porter le deuil? Et pour ce soir, ils sont nombreux à avoir répondu présent à cet appel lancé par l'équipe de production de Lumière sur les ondes. Nous allons commencer par ma droite, l'évangéliste Élie Bertrand Tchabda Junior, qu'on ne présente plus. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck, bonsoir aux panélistes, bonsoir à tous les auditeurs des Radio Bonne Nouvelle. Alors frère, comment s'est passée votre semaine? Avec la nouvelle de la France, de l'attentat en France et toutes les autres choses, comme vous avez mentionné dans votre introduction. Oui. La prise d'otage au Mali, bien sûr, on ne peut être que vigilant parce qu'à tout moment ça peut se passer sur toutes les parties de la terre. Et bien donc sûr, en fait le cœur est tourné dans les différents endroits où il y a le conflit pour prier pour eux. Voilà, alors de ma gauche, de ma droite, autant pour moi, à ma gauche, le frère Fred Akoa qui est avec nous ce soir, qui est un observateur de la scène politique, sociale. C'est quelqu'un qui a beaucoup à partager et d'ailleurs il va partager avec nous ce soir. Frère, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, je voudrais ajouter que je suis aussi frère en Christ. Bien sûr. Donc j'aime plus cette casquette que autre chose. Bonsoir à tous. Merci Fred Akoa, première apparition dans ce studio. On espère que on te reverra pour d'autres thèmes à développer ici. Ce sera un plaisir pour moi. Ok, quelqu'un qu'on ne présente plus aussi, le troisième invité de cette émission, le prophète Georges Guillaume Medjou, qui est avec nous. Bonsoir homme de Dieu, bienvenue. Bonsoir Franck Stéphane, bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Bonne Nouvelle, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent à l'instant même. Ok, alors pasteur, prophète, voilà, je reste avec vous pour vous poser la première question. Nous constatons aujourd'hui effectivement que les actes terroristes sont en train de proliférer, ces actes gagnent du terrain. Qu'est-ce qui peut expliquer cette tendance? La parole de Dieu est claire. Quand tu lis les évangiles, Jésus a prédit cela, qu'une nation s'élèvera contre une nation, un enfant s'élèvera contre son père. Et ce que nous voyons tout autour de nous, c'est de ça qu'il est question. Alors, tant que les hommes ne vont pas mettre leur pouvoir central par rapport à Dieu, parce que quand tu vois les différents gouvernements, selon la parole, quand tu lis les Saintes Écritures dans les livres de Romains 13, on nous dit tout pouvoir vient de l'Éternel, de Dieu. Donc, il faut que les chefs d'État États ou les dirigeants du monde se confient à l'éternel. Au jour d'aujourd'hui, ils prônent l'humanisme singulier. L'humanisme singulier, ça veut dire qu'on crée, les plus forts créent des guerres en Afrique. Quand je vois la Côte d'Ivoire, ça me fait mal. Quand je vois la RCA, je vois la Libye, il y a eu en Libye plus de 250 morts en Côte d'Ivoire. Vraiment, moi, ça me fait mal. C'est en ce qui concerne la France, au jour d'aujourd'hui, les innocents sont morts, ça fait mal, mais il faut que la France prenne leurs responsabilités, que les Français consultent Dieu, parce que c'est Dieu qui a tout créé. Oui, on peut déjà compter des différentes républiques par rapport à l'État français. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, Hollande est là, il va partir. Pompidou était là, Mitterrand était là. Il faut qu'ils comprennent que Dieu est souverain, c'est lui qui a créé le monde et c'est lui qui peut gérer le monde, qui peut inspirer aux hommes à gérer le monde, parce que tout pouvoir vient de Dieu. Ok, merci homme de Dieu, Fred Akoa. Toi également, tu te rends compte qu'aujourd'hui, les actes terroristes vont légion. Il y a deux jours encore, Boko Haram frappait dans le Septentrion. On a parlé du Mali ce matin où il y a une prise d'otage. La semaine dernière, le 13 novembre dernier, c'était la France en plein cœur de Paris qui était frappée, plus de 100 morts. Pour toi, qu'est-ce qui peut expliquer cette méchanceté, aujourd'hui, ces actes-là vont vraiment proliférer? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Bon, déjà, ce que je peux dire, c'est que j'ai essayé de regarder depuis le début des années 2000 jusqu'aujourd'hui. On va voir que j'ai pu dénombrer plus de 200 attentats seulement dans la partie du Moyen-Orient. Oui. Donc, c'est-à-dire avec le maximum au niveau de l'Irak. Oui. Et quand j'ai essayé de faire une approche un peu plus détaillée, je me suis rendu compte que donc moi je ne voudrais pas prendre la problématique en me disant il y a plus de prolifération aujourd'hui. Ouais. Il y a des attentats depuis pas mal d'années. Moi ce que je remarque c'est l'identification et la médiatisation des attentats. C'est surtout avant les années 2000, on parlait surtout des attentats politiques, que ce soit de la France qui nous intéresse aujourd'hui. On parlait plus des, quand je regarde par exemple dans les années, on a l'assassinat du maire, du préfet en Corse, on a les actions des groupes basques qui font des attentats en France, qui ne sont pas très meurtriers parce qu'on voit clairement que l'objectif c'est de mettre la pression sur le gouvernement. Donc c'est des revendications républicaines. Mais depuis les années 2000, le point d'orgue, l'attentat du 11 septembre, on a changé de dénomination. Ça devient des attentats islamistes. Oui. Donc on fait, c'est la religion qui est pointée du doigt. Et quand on regarde presque tous les attentats depuis ces événements-là, c'est soit les attentats islamistes contre, on va dire, les judéo-chrétiens en Israël, bien aux États-Unis ou bien en Europe, ou alors c'est les attentats entre musulmans, donc entre les sunnistes, chiites, wahhabistes, alaouites. Il y a toujours une dénomination religieuse dans les attentats depuis le 11 septembre. Donc moi je dirais pas qu'il y a une prolifération, il y a toujours eu des attentats, mais aujourd'hui les attentats sont, on cherche à créer un camp, deux, je vais dire quatre camps. Un camp islamiste contre le monde judéo-chrétien. Oui. Et un autre camp dans le camp islamiste entre sunnites et chiites. Et chiites. Okay. Donc pour moi c'est plus cette dénomination, que cette problématique là qui m'intéresse, parce que les attentats il y en a toujours eu, et avec cette propension depuis l'avènement du monde. Ok, alors frère Elie Bertrand Chabda, vous avez, comment avez-vous accueilli la nouvelle? Beaucoup étaient en train de regarder le match France-Allemagne. Oui. Lorsque cette nouvelle est arrivée comme un couperet, comment vous avez accueilli cette nouvelle du 13 novembre dernier? Célèbre vendredi 13 novembre, dont beaucoup de personnes parlent des superstitions, des fameuses jeudi 13. Jeudi 13. C'est jeudi, vendredi 13. Parce que c'est le 13 là. Oui, je n'ai pas accueilli avec un sentiment particulier. Parce que en tant que prédicateur, je me prépare à tout dans ce monde ténébreux, dans ce monde de puanteur, dans ce monde d'exécration, des noisseurs qui vont sûrement brûler au feu. Oui. En réalité, je vais plutôt aller sur trois angles, sur l'aspect politique, l'aspect naturel, et je vais glisser sur les deux premiers angles et puis m'approfondir sur l'aspect spirituel de ces attaques-là. Oui. Sur l'aspect naturel, on peut penser aux théories de complot, telles qu'on voit et on entend dans les médias. On peut accuser les États-Unis d'avoir été derrière pour créer des groupuscules islamiques, comme Fred le disait, et puis monter comme ça et essayer de disséquer les groupes islamiques à l'intérieur. Ce qui fait que beaucoup de groupes dissidents se trouvent en milieu islamique comme ça, qui se combattent entre eux mutuellement. Ça, c'est sur l'aspect naturel. Et puis, là-bas, maintenant, on a la théorie de complot, on a la manipulation de la foule, des masses et des médias. Dans le cadre naturel, lorsque vous lisez les arrêtés particulièrement du droit international et particulièrement des conventions de Genève, ainsi de suite par rapport au combat, nous voyons effectivement que lorsque le peuple est retranché, ne peut plus s'exprimer, ils n'ont qu'un dernier recours, la révolte. Et sur ce cas, ils ont raison effectivement d'essayer de s'exprimer par les actes terroristes. En fait, lorsqu'on les appelle terroristes, ça me pose un problème. Je vais y revenir sur dans le cadre spirituel. Ça pose un problème. On les appelle terroristes parce qu'ils ont une façon, ils délivrent un combat asymétrique. C'est parce qu'ils ciblent les civils, les institutions, pour attirer l'attention, parce qu'ils ne peuvent pas faire face de façon opposée au poids gouvernemental qui se trouve en face. Puisque c'est en fait la religion, la guerre nouvelle maintenant, c'est les coalitions et des alliances. Oui. Ce qui fait que les groupuscules ne peuvent pas tenir face à eux. Donc, je t'en ai dit donc que leur manière dont ils s'expriment, on les appelle terroristes. Lorsque George Bush va engager tout l'OTAN, aller en Irak, pour destituer un président qui est naturellement et de façon républicaine dans son pays, on ne dit absolument rien. Lorsque, comment il s'appelle, Sarkozy, le prédécesseur de François Hollande, va aller destituer Kadhafi parce que les jeux français et les jeux des Européens étaient mis en mal. On ne dit absolument rien. Mais pour peu que quelques personnes meurent en France, je ne dis pas que ceci est souhaitable et c'est regrettable de toutes les façons. Mais je vais seulement exprimer le fait qu'on appelle les autres les terroristes parce qu'ils manipulent, parce qu'ils utilisent des combat asymétrique. C'est ça que je connais de dire. Ouais. Parce qu'en réalité, soit on regarde sur le plan naturel, c'est-à-dire que sur le plan de la logique, George Bush était un terroriste. On ne l'a jamais jugé dans un cours international, on ne l'a jamais invité. Colin Powell et eux, nous avons vu sur les antennes de la télévision aux Nations Unies montrant avec preuve à l'appui les images satellitaires prouvant qu'il y a des armes de destruction massive en Irak. Ouais. Et en fin de compte, ils n'ont jamais prouvé cela, mais plutôt, ils sont allés et pomper le pétrole irakien et mettre toujours des désordres. Enfin, je vais revenir pour parler de la troisième partie. Bien sûr, alors je reste avec vous. Hein. Effectivement, nous avons constaté que suite à cet attentat qui s'est déroulé le vendredi 13 à Paris, deux groupes se sont créés au niveau du Cameroun. On a ceux-là qui sont des pro-français, d'ailleurs je le disais dans mon propos liminaire, qui ont d'ailleurs changé leur photo de profil, désormais c'est le drapeau de la France. Il y a d'autres qui sont des dissidents, qui sont des anti, qui estiment que les Camerounais n'ont pas besoin de pleurer ou alors de porter le deuil de la France, étant donné que on a nos morts, on a connu nos morts en Côte d'Ivoire, on a connu nos morts, pour parler dans le sens africain, en Libye. Aujourd'hui, on continue de connaître nos morts dans le Septentrion. Vous appartenez à quelle frange? Je n'appartiens à aucune frange de ces deux-là. De toute façon, le dessin des Africains est intimement lié aux dessins européens. On va têter le même lait jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne. On ne peut pas nier du fait que la France aide le Cameroun et Cameroun aide la France pour le cadre camerounais là, parce que là nous sommes en train de parler français maintenant. Bien sûr, le simple fait que nous parlons français pour nous exprimer ainsi montre clairement que la signature de français sera toujours dans notre esprit. Ceux qui vont utiliser la masse média en changeant les profils, les avatars, ils vont utiliser la langue française en écrivant les messages. Montre que la signature française est toujours là. Mais là n'est pas le problème. Dans le livre de Job, le Job chapitre 6, le verset 14 dit: celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du tout puissant. Donc même si la France a voté par rapport à l'homosexualité, même si François Hollande vit dans l'adultère ou de n'importe quel concubinage qu'on peut appeler, parce que c'est le seul français qui a le compagnon. Vous voyez comment le français a tellement de langage pour pouvoir arranger le péché. Donc même s'ils font n'importe comment, quand il y a le malheur, la Bible déclare dans ses proverbes chapitre 24 là, verset 17 et suivant, qu'on ne s'irrite pas de la chute des méchants, de peur que Dieu ne s'irrite. Mais donc, nous voyons effectivement que malgré que la France ait commis des exactions dans le monde, et c'est dans cette optique qui va entrer dans le cadre prophétique maintenant pour expliquer en réalité ce qui se cache cache derrière. Ok, on va revenir. Vous allez nous peut-être emprunter la casquette de prophète, le temps. Non, il y a un prophète sur les antennes. Il y a un prophète ici en studio qui pourra mieux s'exprimer. Ok, alors prophète Georges Guillaume, on a écouté quand même l'évangéliste Élie Bertrand Tchabda qui estime que c'est pas parce que la France a commis des exactions que on ne doit pas compatir. Oui, on peut compatir, mais est-ce qu'on doit porter le deuil? Parce que quand je parle de porter le deuil, vous allez voir des Camerounais qui sont indifférents aux morts qui tombent sous le poids, de Boko Haram dans le septentrion. Mais dès qu'un Français meurt, ce gars, il est comme si c'était son parent naturel qui venait de passer de vie à trépas. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on doit porter vraiment le deuil? On n'a pas besoin de porter le deuil. Oui. En ce qui me concerne, oui, moi, en tant que Camerounais, je connais la France en tant que colonie par rapport à la coopération diplomatique. Mmh. Mais il y a des relations, comme Eric disait tantôt, c'est-à-dire il y a des Camerounais et qui ont épousé des Françaises, il y a des Français qui ont épousé des Camerounaises. Donc, dans cette relation-là, on peut porter le deuil. Certains Camerounais peuvent porter le deuil. Mmh. Mais en ce qui me concerne, en tant qu'homme de Dieu, vous savez, Paul nous met en garde dans le livre de Colossiens, chapitre 2, nous met en garde contre toute philosophie, toute religion et toute tradition qui valorise l'autonomie humaine dissociée de Dieu et de la révélation écrite à travers la parole de Dieu. Oui. Pour dire que ce qui arrive aux Français, aux Occidentaux à l'heure actuelle, c'est parce qu'ils ont tourné le dos à Dieu. Ils prennent sur leur responsabilité de juger le monde, de placer qui veut au pouvoir, de s'accaparer des richesses des Africains. Et c'est ça le problème. Au jour d'aujourd'hui, les Africains, les terroristes regardent ce qui se passe au Moyen-Orient, regardent ce qui se passe à l'heure actuelle en Syrie. Et moi, je constate, je fais un diagnostic par rapport à ce qui se passe parce qu'ils sont en train d'être pris dans leur propre piège. Avant, on parlait de l'Al-Qaïda. Maintenant, au Cameroun, on parle de Boko Haram, ailleurs, on parle de Chebab, on parle de l'Al-Qaïda, des islamistes. Ça veut dire que ça peut venir de n'importe où dans le monde. Parce qu'il y a déjà une semaine, il y a eu attentat à Paris. Aujourd'hui, on parle du Mali. Demain, on peut parler de Yaoundé. Après-demain, on peut parler du Nigeria. Déjà, même au Nigeria, c'est le centre, vraiment. Oui. Donc, moi, je pense qu'il faut que la France, les Américains, revisitent leur politique étrangère. Alors, merci, homme de Dieu, Fred Akoua. Je vous sais très actif dans les réseaux sociaux. Vous avez également observé cet épiphénomène qui est en train de prendre où tout le monde se tague être français, d'autres se taguent être Paris, d'autres se taguent être Marois. Vous appartenez à quelle frange? Bon, moi, ce que je vais dire par rapport à ça, c'est que je vais prendre juste une figure de style. Quand la France a gagné la Coupe du Monde 98 et la Coupe d'Europe 2000, ils avaient un très bon jeu, très beau jeu. Oui. Et le seul fait qu'il y ait vraiment des Noirs, des Arabes, des Français qui étaient plutôt bons, sincèrement, j'ai aimé cette équipe. J'ai aimé la France, j'ai aimé cette France-là. Et ça m'a fait plaisir de les voir gagner la Coupe du Monde. Donc, ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que, une fois revenu maintenant aux attentats, et moi je ne peux pas, je veux dire quoi? Je ne veux pas, comme l'évangéliste a dit, prendre un camp. Ce que moi je constate, c'est qu'aujourd'hui, il a pris une très bonne, je veux dire quoi, un très bon exemple, le français que nous parlons. Le français que nous parlons, on ne le parle pas comme un français le parle. Le français le parle de manière naturelle. Nous, on le parle parce que nos parents ont été terrorisés. Ils ont été terrorisés, il y a eu des massacres. Et à la fin de ce terrorisme-là, il a fallu que nous, les enfants, aujourd'hui, nous parlions le français. Donc, cette langue déjà est déjà le résultat d'actes terroristes qui nous a aujourd'hui conditionnés à faire cette émission en français. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui, beaucoup de jeunes, et moi je dis c'est surtout les jeunes parce que nos parents se rappellent de cette époque et ils portent plus ce fardeau. Ce fardeau n'est pas, parce que pour nous en ce moment il est subliminal, donc on ne le ressent pas dans notre chair. Parce qu'on l'a appris depuis la jeunesse et c'est devenu une habitude que nous transportons comme un héritage, un mauvais héritage en fait. Ouais. Donc aujourd'hui, quand il y a des actes comme ça, de prime abord, ça réveille des instants qui sont très lointains, cachés très lointains. Donc ce qui fait en sorte que, on va voir, et si vous faites bien la remarque, vous allez constater que ceux qui prennent plus parti de la France, c'est ceux qui ont un idéal dont l'idéal européen. L'évangéliste a dit avec les Européens, on va on aura la même lignée jusqu'à la fin de la terre. Moi, on va têter le même lait. On va consommer le même lait sur le même jeton du sein. Je ne souhaite pas que cette prophétie soit réelle, parce que je voudrais que l'Afrique se développe. Et l'Afrique ne peut pas se développer avec un modèle de développement européen. C'est pas possible. Donc, pour terminer. Oui, donc ce qui fait que ce que moi je pense, c'est que c'est normal qu'il y ait deux camps. Mmh. Il y a deux camps et depuis les indépendances, il y a toujours eu ces deux camps là. C'est pas aujourd'hui qu'ils se sont créés. Aujourd'hui, ils reviennent juste à la face de nous tous pour nous montrer essentiellement que nous avons un problème que nous n'avons pas encore pu régler jusqu'aujourd'hui. Mmh. Donc il faudrait que les Africains à un moment se retrouvent, parce que quand on a vu les élus ivoiriens qui ont marché pour les attentats de la France, on a vu le président béninois pleurer lors des attentats de Paris en janvier, alors qu'on ne l'a jamais vu au Cameroun pour venir soutenir, même pas pleurer, pourquoi pleurer, pour venir juste soutenir le président camerounais. Donc, ou alors au Kenya où il y a eu des attentats plus graves que ce qui se passe en France. Moi, je veux dire, les morts en France aujourd'hui sont à pleurer, parce que c'est des familles qui vont être dévastées, et ce n'est pas que des Français, c'est ça aussi le problème. Il pouvait avoir d'autres nationalités. Aujourd'hui, ces familles vont porter le deuil, mais comme l'a dit le prophète, à cause... Alors Fred à quoi je vais devoir vous couper pour vous relancer dans votre élan. Vous avez dit les morts sont à pleurer, mais est-ce normal que dans les actes terroristes qui sont perpétrés au sein de l'Afrique, les Africains ne prennent pas le temps même de pleurer leurs morts? Est-ce que à ce moment-là, on ne peut pas s'interroger? Si on est fin à pleurer les morts blancs et que les morts noirs, on n'a aucun intérêt. Hein. Oui, bon, en fait, par rapport à cette question, il faut toujours revenir à ce qui s'est passé avant. Aujourd'hui, s'il y a un attentat au Kenya, on va le regarder juste comme un événement qui est plus lointain que ça se passe en France. Bien sûr. Pourquoi? Il faut se demander pourquoi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas de correspondance entre moi, qui suis camerounais, entre parenthèses, et un Nigérien. Je me sens plus proche. Il y a plus de barrières entre moi et le Nigérian qu'entre moi et le Français. Il y a plus de barrières entre moi et le Kenyan, parce que déjà, j'estime que lui, il est anglophone, moi, je suis francophone. C'est comme ça que notre paradigme est. Donc, c'est-à-dire, on se met des barrières avec nous-mêmes, les Africains, parce qu'on estime que, parce qu'on est dans une prison, la prison coloniale, dans laquelle on n'arrive pas à se dissocier de ça. Ok. Alors, on rappelle aux auditeurs qui nous écoutent depuis leur poste récepteur, effectivement, qu'ils peuvent commencer à appeler au 243 07 56 32, le 243 07 56 32, ou alors en nous envoyant un SMS au 699 49 37 90. Vous êtes en direct de la 99.6, c'est la radio Bonne Nouvelle. L'émission, c'est Lumière sur les ondes, et le thème qui est mis au devant des feux de projecteurs, attentat du 13 novembre à Paris, les Africains doivent-ils porter le deuil? Attentat du 13 novembre à Paris, les Africains doivent-ils porter le deuil? Frère Elie Bertrand Tiabda Junior, oui, vous vous sentez bien? Très bien, okay. Très bien, dans ce studio, comme toujours. Alors, une question à vous poser, une question que je prends des propos de chute du prophète Georges Guillaume Diot qui disait que les Français sont en train, je vais le paraphraser, sont en train de, je vais dire, de récolter un peu ce qu'ils ont semé. Absolument. Au regard des actes qu'ils ont commis en Afrique et bien ailleurs. Oui. Alors, moi, la question que je veux poser, est-ce que Diot aurait tourné le dos à la France aujourd'hui? En fait, Diot n'a pas tourné le dos. La France, et comme toutes les nations de la terre, ont tourné le dos à Diot. La Bible appelle le Seigneur Jésus-Christ le prince des paix. Il ne peut pas avoir de paix sans le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et tourner le dos à Jésus-Christ ne veut pas dire, vous voyez, il y a de ces années que nous entendons. Vous allez voir, effectivement, et c'est là où je vais toucher mes amis musulmans. Nous, vous voyez, effectivement, quoi, le président, tous les présidents, en fait, du monde occidentaux se disent chrétiens. Mm-hmm. Ils se disent chrétiens, ils appartiennent à des loges résurrectionnelles pour les uns, francs-maçons pour les autres, ils ne sont pas chrétiens. Et c'est ça qui fait le terrain. Quand vous causez avec des musulmans, ils disent que vous êtes les chrétiens. Donc, ils appellent la France est chrétienne. La République française est chrétienne. Les États-Unis sont chrétiens. Alors que la Bible, ces mêmes personnes ont rejeté la Bible. Mm-hmm. En Californie, on a rejeté clairement la prière à l'école et on a légalisé l'église de Satan là-bas en Californie, fondée par Anton LaVey. Donc nous voyons effectivement que ce n'est pas Diot qui a rejeté, c'est plutôt la France. Et je dis ce n'est pas seulement la France, parce que ce qui est arrivé à la France, ce qui est arrivé à la France n'est que le signe précurseur de ce qui va arriver aux pays européens. Les islamistes qui sont en train de combattre vont se muter à d'autres groupuscules encore plus dangereux qu'ISIS et Chobab. Donc vous êtes en train de faire comprendre qu'on est qu'au début. Ce n'est que le début. Au début d'un catastrophe. Avant, vraiment. Absolument. Et ça va conduire quelque part dans le troisième propos dont je vais toucher tout à l'heure. Là. Avant, nous avions au Proche-Orient les brigades de Mahathir d'Al-Aqsa approche de Fatah de Yasser Arafat, qui a été muté aujourd'hui maintenant, mais toujours contrôlé par le Hamas, qui sont encore plus virulents maintenant que les prédécesseurs. Ce qui veut dire, c'est que, remarquez bien que les auteurs de l'attentat ne sont pas seulement naturalisés. Islamistes, ils sont des différentes nationalités. Il y a des Français parmi ceux qui sont allés en Syrie pour lutter contre l'armée d'Assad Bachar al-Assad. Nous voyons effectivement que comment se fait-il que les Français, et c'est là où j'ai touché la première partie naturelle, où les gens sont frustrés, les gens ne peuvent pas s'insérer, ils ne se trouvent pas concernés avec la politique gouvernementale dans les différents pays dans lesquels ils se trouvent. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils se trouvent? Ils se trouvent maintenant dans des groupes maintenant qui peuvent essayer d'asseoir leurs intérêts. Mm-hmm. Et par conséquent, ils s'y soumettent et se livrent à quelle joie à ces choses que nous appelons attentats. De temps, on dit donc que tous ces gens qui sont formés, et ce qui est macabre, c'est que les États-Unis et tous ces pays-là ont des technologies pour détecter. Ils disent effectivement sur les antennes qu'ils connaissent le camp de concentration, le camp d'entraînement. Pourquoi ne vont-ils pas les débusquer avant qu'ils ne soient formés? Et quand ils sont formés, ils sont envers dans ces pays. Ils sont infiltrés partout dans les pays européens. Ils vont bientôt exploser. Londres, Allemagne, vous allez nous faire cette révélation. Oui. 243 07 56 32. Allô, un auditeur en ligne. Bonsoir, comment je vous appelle, madame? J'arrive pas à capter. Allô? Bonsoir madame, comment je vous appelle? C'est maman Ekima. Ah bonsoir maman, comment tu vas? Par la grâce de Dieu. Alors nous sommes toutes huit pour reprendre ta brillante participation. Non, merci. Merci, c'est parce que c'est pas brillant, je m'en fais. Excusez-moi. Je voulais. Bon, la question si on doit porter le deuil. Oui. À cause des attentats qui ont eu lieu. Premièrement, je pense que c'est des humains qui sont morts. Oui. Et comme toujours, c'est des victimes parce qu'en fait, les personnes qui sont mortes ne sont en rien, ni de près, ni de loin, concernées par ces problèmes politiques. Ce ne sont que des simples citoyens, certainement, qui marchaient et qui passaient. Donc, porter le deuil, c'est peut-être un gros mot. Mm-hmm. Mais je crois que nous devons compatir. Oui. Parce que c'est des humains qui ont perdu la vie. Et quand ça arrive n'importe où, cela fait mal. Oui, oui. Surtout quand c'est fait aussi bêtement par des inconscients qui tuent les innocents et se sentent pour rien. En ce qui concerne notre attitude par rapport à nos morts. Il est malheureux de constater, comme vous êtes en train de le dire, que les Noirs eux-mêmes ne savent même pas ce que c'est que combattir pour eux-mêmes. Je crois que nous sommes effectivement très sensibles à la chose des Blancs, si on peut parler ainsi, parce que la colonisation nous a je n'arrive pas à trouver le mot juste en français, parce qu'en anglais on dit « enslaved ». C'est-à-dire que nous sommes une mentalité d'esclaves, au point où, quand quelque chose concerne les autres, surtout les Blancs, nous croyons que vraiment c'est le monde qui s'écroule. Quand ça nous touche nous-mêmes, on est plus ou moins indifférent. Mmh. La preuve, tout ce qu'il y a comme problème chez nous, nous ne faisons rien pour essayer d'apporter un changement positif en améliorant. Mmh. Nous faisons tout pour détériorer. Parce que nous ne sommes pas des humains, on n'est que des esclaves. Alors, nos vies ne sont même pas importantes. Les deux camps qui existent, s'il y en a, je ne sais pas, c'est qu'en fait, ça vient de là-haut. On nous a montré que la France, c'est le paradis, c'est le modèle qu'il faut suivre, c'est nos ancêtres. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Donc, si nos ancêtres sont en deuil, nous sommes obligés de porter le deuil. Mmh. Okay. Et quand les nôtres sont ici en train de se faire bousiller pour rien, nous ne faisons rien. Nous n'avons même pas de journée de deuil. Oui. Nous déclarons rien du tout. C'est dommage. Qui est concerné pour dire que pourquoi est-ce que ces innocents sont en train de mourir pour rien, mmh, pour ne même pas apporter le moindre changement? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a deux camps. Mmh. Mais personnellement, je regrette, okay, que les Camerounais ne soient pas encore, soient encore dans la colonie où ils n'étaient même pas. Okay. Le pays qui n'a jamais été colonisé est devenu le plus colonisé du monde. et nous sommes là, quand on parle de la France, c'est comme si vraiment... Alors, je crois que vous avez tellement à dire que pour la prochaine émission, je vais personnellement vous inviter en studio. Oh là là. Alors, épargnez-moi s'il vous plaît, parce que vos escaliers là, papa. Je vous en prie. Je voulais tout simplement dire que vraiment, c'est regardable. Non, on va. Vous allez laisser votre numéro de téléphone à tonton Théo en off, et là, on va vous contacter pour vous inviter pour notre émission. Merci, bon, merci. En fait, oui. Bon courage à vous. Merci, merci infiniment. J'essaie de faire le mieux. Merci. Pour apporter une amélioration. Merci. Le merci. Seigneur nous bénisse. Merci infiniment. Alors, Évangéliste, vous terminez rapidement. Oui, mais avant, je vais en fait l'aspect prophétique de cette affaire, j'y vais entrer, je peux entrer en quelques mots comme ça, mais je vais seulement sortir dans cette tour de table avec le fait que la prolifération des médias étrangers qui nous infestent ici fait en scène que la répétition en boucle des événements qui leur arrivent est imprégnée indiscutablement dans notre esprit, alors que nos propres intérêts que nous avions, comme les événements par exemple de Boko Haram dans le nord du pays et au Niger et au Kenya dont on parlait tout à l'heure, nous voyons effectivement que la technique ou bien la déontologie de notre façon de traiter les informations sur nos antennes, oui, sur nos télévisions nationales sont différents par rapport au leur, parce que jadis ici, enfin souvent ici, nous disons que nous voulons protéger la population en ne pas voulant créer la psychose. C'est pour cela que dans nos médias effectivement on ne répète pas en boucle, ou effectivement que chaque 30 minutes, chaque 15 minutes, mm-hmm, pour le cadre de la France, on va toujours donner les événements qui s'y trouvent. Bien sûr, pourtant dans le cadre de l'attentat, quoi, des choses qui se passent, qui se commettent avec Boko Haram dans le grand nord du pays, le Niger, on ne donne pas toujours les chiffres exacts. Bien par sûr. Conséquent, ça ne pousse pas beaucoup plus à compassion parce que les gens n'ont pas de vrais résultats. Ok, alors un SMS qui est arrivé, c'est un SMS qui interpelle un prophète. Je préfère poser d'abord la question au prophète. Le message dit ceci: le prophète Tibi Joshua avait prédit ces attentats en France en 2014, ainsi que la puissance satanique du Daesh en Syrie. Et est-il donc un vrai prophète? Le message est signé de Chimène. C'est à vous que je pose la question, vous êtes prophète. C'est son collègue là. Oui, effectivement, c'est un vrai prophète. Il a prédit, c'est arrivé. Oui. Quand tu lis le livre de Deutéronome chapitre 18, Dieu dit qu'un prophète qui se lève pour prophétiser, si ça ne s'accomplit pas, c'est qu'il n'est pas un prophète de Dieu. Bien mais sûr. Si ça s'accomplit, c'est que c'est un prophète de Dieu. Okay. Alors, par rapport à ce qui arrive aux Occidentaux, ils ont rejeté la foi à un Dieu personnel et infini. C'est-à-dire, ils refusent d'accepter que c'est Dieu qui a créé les hommes, c'est Dieu qui a créé le monde. Mmh. Et ils font des choses, ils créent des machins comme les Nations Unies, l'ONU et tout pour massacrer les Africains et les peuples. Donc moi je pense qu'il est temps que les Occidentaux retournent vers le Seigneur qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve. Ouais. Et s'inspire, c'est-à-dire des éléments bibliques, ouais. c'est-à-dire s'inspire de la parole de Dieu pour mieux diriger les peuples, pour mieux entretenir les coopérations, que ce soit sur le plan diplomatique ou sur le plan des humains. Alors, Fred Akoua, suite à ce message, c'est vrai que moi également, je suis au courant de cette prophétie de l'homme de Dieu, le prophète Tibi Joshua. C'était effectivement en 2014. Et il disait voir la France dans l'obscurité. Et il avait parlé de ces attentats. Et je reviens avec ce qui se dit, je vais dire dans les couloirs, que si cet homme de Dieu avait prophétisé cela, ça veut dire que c'est le plan de Dieu. Est-ce qu'on peut dire que c'est le plan de Dieu que ces choses arrivent à la France, Fred Akoua? Bon, je voudrais dire que pour moi, Tibi Joshua, c'est un homme de Dieu. Bah, je vous confirme. Donc, maintenant, ouais. En ce qui concerne les attentats à Paris, moi-même, je pouvais les prophétiser. Donc il ne fallait pas. Non, c'était prévisible, quoi. C'était prévisible. La prédiction, c'est une fin de la prophétie. La voilà, effectivement. C'est tout ce qu'il y a depuis prévisible par rapport au tournant que la France a pris depuis l'accession de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République. Ouais. Vous avez très bien vu qu'en 2003, Jacques Chirac a refusé de rentrer dans la guerre contre l'Irak. Absolument. Il a été catégorique et on a vu très bien que les attentats ont commencé à faire beaucoup de morts après que Sarkozy ait réintégré l'OTAN en 2007 et qu'il ait commencé à suivre les États-Unis et Israël. Ok, dans... Fred Gap, le fil de tes propos, on va prendre cet auditeur prioritaire, l'auditeur 243-0756-32. Allô, bonsoir. Bonsoir. Monsieur, vous allez complètement baisser le volume de votre poste récepteur. Alors vous vous éloignez complètement. Alors on vous écoute, comment vous appelez? Oui, mon nom c'est Fernand André. Oui, frère André, bon, allez-y, on vous écoute. Tout le monde dans ce bien. Quant à la question que vous avez posée, je pense que c'est une question qu'il ne faut pas poser aux chrétiens. Parce que normalement, les chrétiens devraient s'occuper des choses chrétiennes. Mais maintenant, si on peut prendre un cas de l'actualité pour le leur poser, je pense que chacun a des morts, si ce n'est qu'au niveau national. Nous avons des morts et chaque nation doit pleurer ses morts. Oui. Bon, on peut-être faire disons une visite de courtoisie à son voisin, mais lorsqu'il y a des morts à un moment donné qui tombe dans plusieurs nations, au même moment, chaque nation devrait déjà trouver ses morts, les enterrer. Et si tu veux se retrouver. Allô? Je crois qu'on a été coupé. Alors Fred, pour rechuter dans vos propos très rapidement. Oui, donc je disais que en ce qui concerne les attentats en France, c'était presque prévisible parce que le tournant que la France a pris après 2007 a fait en sorte que du fondamentalisme islamiste a commencé à s'insérer dans la population française. Et le débat qui était toujours ce débat où on parlait de, on a même créé tout un ministère de l'identité nationale où on a fait la guerre au voile. On fait la guerre au voile, mais on ne touche pas aux sœurs, on ne touche pas aux prêtres, mais on fait la guerre au voile musulman. Donc tout ceci a conduit déjà à des premiers soubresauts avec les affaires de Mera, oui. Ensuite de ce qu'on a vu avant, le Thalys, et puis tous ces petits attentats qui étaient faits, Charlie Hebdo. Et aujourd'hui, on rentre dans véritablement quelque chose de plus grave, parce que on a l'impression que plus la France prend des mesures de sécurité, renforce les mesures de sécurité sont sous l'opération Vigipirate depuis les attentats de Mira. Ouais. Et à Charlie Hebdo, on était à presque une trentaine de morts. Et là, aujourd'hui, on a triplé. On a multiplié par combien? C'est monté d'une manière exponentielle. Bien sûr, donc, bien sûr. Comme le disait l'évangéliste, ce n'est que on a l'impression que Mira et Charlie Hebdo, ce n'était que la mise en bouche. Ouais. Et que nous sommes déjà entrés dans une ère sanglante. Okay. Où véritablement Dieu manque, parce que moi je dirais pas que c'est Dieu, moi je dirais que ce sont les hommes qui sont en train de faire eux le malheur. Okay. Exactement. 243 07 56 32, allô, bonsoir. Bonsoir. Bon, je terminais pour dire que ici la question maintenant est posée aux chrétiens. Moi, je pense que ce que les chrétiens devraient faire par rapport à des gens comme cela, c'est d'aller devant les évangélistes parce qu'ils ont régné l'évangile, mais ils ont rejeté l'évangile. Alors, vous avez dit que si vous faites qu'un chrétien aille pleurer auprès de quelqu'un qui a régné déjà à sa matière de base, je ne sais pas ce qu'il pourrait lui apporter comme contribution. Mais je pense que la première chose à faire, c'est de les évangéliser d'abord. Comme ça, ils comprendront. Okay. Le partage ou la compassion que nous leur apportons. Okay. Merci infiniment, frère, pour votre participation. Frère Dakoua également, merci. Oui. On revient à vous, frère évangéliste et Libertrand Chabdamba, oui, dans le domaine spirituel. Oui. Je veux dire que tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend a forcément une portée sur le plan physique, oui, mais il y a également une portée sur le plan spirituel, voire quelque chose qui se cache sur le plan spirituel, qu'il soit dans le domaine infernal ou qu'il soit dans le domaine divin. Dans les deux côtés, effectivement. Faites-nous donc les révélations que vous vouliez nous faire. Premier postulat. Oui. Tous les royaumes de la terre sont sous la coupe, sont contrôlés par le Seigneur. La Bible déclare que toutes les nations de la terre sont sous sa direction. Oui. Deuxième postulat, le monde actuel est sous la puissance de Satan. Mm-hmm. Troisième postulat, les dieux, dans Psaume chapitre 33, verset 11 suivant, dit qu'il anéantit le dessein de peuple et ce sont des desseins qui subsistent de façon éternelle. Mm-hmm. Alors maintenant, qu'est-ce que Dieu est en train de faire derrière tout cela? Nous voyons effectivement que ce sont les islamistes qui sont de causer cela. Ils sont en vue maintenant dans tous les attentats au courant du monde. Mm-hmm. Les deux volets ont été mentionnés par mes deux copanélistes. C'est les judéo-chrétiens, les juifs et les chrétiens qui sont ainsi indiqués. Oui. Donc en fait, c'est la guerre des religions. Mais quand bien même les Européens voudront essayer d'anéantir cet aspect religieux de cette façon religieuse. Parce qu'en fait, la pensée islamiste est d'imposer la religion islamique sur tous les terres. Oui. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que lorsqu'une mosquée est construite quelque part, cette terre est construite comme musulmane. C'est ce que les gens ne comprennent pas. La deuxième chose, c'est que dans l'eschatologie musulmane, ils savent que l'islam doit dominer le monde. Et que lorsque les gens lisent dans les hadiths, les sunnas, avec les certains versets du Coran, ils se voient investis de la mission pour pouvoir imposer la charia sur tout le plan. Et effectivement, ils utilisent donc des alibis tels que l'attaque, le fait que la France participe à l'attaque en Syrie pour pouvoir le faire. Mmh. Donc nous trouvons dans une période musulmane où certaines de leurs prophéties, entre guillemets, sont censées s'accomplir et ils attendent ce qu'on appelle le Mahdi. Donc le Mahdi, un conducteur qui est né au musulman. C'est vrai que ce n'est pas une idée partagée par tous les groupes musulmans. D'où le frère parlait de la différence, les sunnites, les wahhabites et ainsi de suite. Mm-hmm. Donc nous voyons effectivement que chez les musulmans, ils veulent imposer comme ça cela. Mais maintenant, la prophétie biblique parle plutôt de cette recrudescence pour amener le jugement sur la terre et imposer ainsi la royauté du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous nous conduisons petit à petit vers l'établissement d'un nouveau ordre mondial. Parce que à l'issue de ceci, beaucoup de choses vont être modifiées sur le Conseil de sécurité. Au Conseil de sécurité, au niveau des traveling checks, la façon de voyager, ouais. Nous voyons effectivement que ce flux, remarquez très bien que ceci se passe à l'antipode des flux migratoires qui a eu lieu en Europe. Le moment va arriver maintenant, ces flux migratoires vont avoir le sens inverse. Les Africains vont retourner chez eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, les portes seront fermées. Et lorsque nous parlons de la France, nous voyons effectivement que sous le gouvernement de Sarkozy, les étrangers ont été beaucoup plus opprimés. Et la Bible déclare que celui qui opprime un malheureux va arriver seulement à sa disette et à sa perte. Ouais. Et nous voyons effectivement que la France, au fur et à mesure, a accumulé. Et ce n'est pas seulement la France, c'est le pays européen. Parce qu'ils sont dans un conciliabule où ils ont manipulé certaines choses pour pouvoir fermer le plus au maximum possible aux étrangers d'entrer chez eux. Mmh. Et quelle bénédiction dans la parole de Dieu pour les gens qui s'occupent des étrangers, des orphelins et des veuves. Et maintenant, regardez très bien effectivement comment la sécurité sociale est bafouée là-bas par rapport aux étrangers. Donc, pour que tu entres en France maintenant, il va falloir que tu redoubles bien d'efforts et avoir la grâce de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit que l'aspect musulman, l'aspect religieux est le beaucoup plus à regarder. Dans ces domaines qu'il faut regarder. Donc, les musulmans veulent imposer la charia sur toute la terre. Ce n'est pas seulement en Europe. C'est sur toute la terre qu'ils sont censés régner. Mais maintenant, ici, c'est Jésus-Christ qui est derrière parce qu'au sein de l'islam même, Dieu va disloquer pour pouvoir créer le trouble afin d'amener la personne sur le chrétien pour le réveiller. Est-ce à dire que l'islam est une religion qui est aujourd'hui bercée par Lucifer? En fait, ça n'a pas été percé dès le départ. C'est Lucifer, c'est dans la gestation. C'est une création luciférienne. Oui. En fait, dans l'eschatologie musulmane encore, c'est prévu dans les prophéties musulmanes que ils vont se diviser en 73 communautés. Et parmi toutes les communautés, une seule c'est là la bonne et c'est celle-là qui entrera. Donc, vous voyez effectivement que malgré toutes les communautés musulmanes telles que nous voyons là, les sunnites, ils vont bien parler les wahhabites et les amadiyas. Ils vont effectivement voir que tous sont dans le faux parce que personne ne suit l'islam. En réalité, l'islam est radical. En réalité, donc malgré que sur les médias on essaie de prôner l'islam comme étant la religion de paix, il n'y a pas une seule trace de paix dans le Coran. Il n'y en a pas. Donc l'islam, en réalité, le vrai islam, c'est ce que les gens qui font l'attentat le font là. Ok. Alors, prophète Georges Guillaume, puisqu'on parle du domaine spirituel, est-ce que la Bible fait mention des attentats? Si oui, en période d'attentat, comment un enfant de Dieu doit se comporter? Oui, en période d'attentat, un enfant de Dieu, déjà, on ne sait pas quand il y aura l'attentat. Ça veut dire que c'est des choses qui arrivent, qu'on ne prévient pas, on n'attend pas un attentat. Mais un enfant de Dieu, selon la parole de Dieu, quand tu dis le psaume 91, Dieu dit, même si 1000 tombent à toi et 10 000 à toi, ça veut dire que tu es protégé. Ça veut dire que si tu vis, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, vit dans la présence de Dieu, il est préservé des attentats et des pestes, tout ce qui peut arriver. Donc je continue à dire, parce que quand tu vois dans le domaine spirituel, on peut vérifier la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 2, 6, 7. La sagesse, c'est Paul qui parle. Mmh. La sagesse de l'esprit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, et que vont être anéantis. Mmh. Au verset 7, il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Donc ça fait que la sagesse, c'est Dieu qui la donne aux humains, aux dirigeants. Il faut que ces gens, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire si Dieu et les lois de Dieu ou les valeurs de Dieu sont bafouillées par des autorités, par des humains, voilà ce qui va arriver à toutes les nations. Donc on doit se tourner vers les seigneurs et vous allez comprendre que les occidentaux mettre les valeurs en place telles que les sectes pernicieuses, oui, telles que la philosophie, ainsi de suite. Ils refusent que Dieu existe, ils renvoient Dieu. Moi, je pense que c'est là le problème. Il faut qu'ils se retournent vers Dieu, qu'ils valorisent la parole de Dieu et mettent en pratique cette parole et le Seigneur va les aider à diriger le peuple. Alors, on prend ce SMS qui est arrivé au 699 49 37 90. Bonsoir mes frères en studio, que Dieu vous bénisse. Depuis la chute de l'homme jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la venue de notre Seigneur, l'ennemi utilisera les hommes pour accomplir ses desseins de destruction. Sauf si l'homme se répand et voit en Dieu son sauveur, sa vie, son espérance et surtout son unique Dieu. Ceci est réel pour les blancs et pour les noirs. Rien, ne vaut la vie d'un être humain. Le message est signé de la sœur Thérèse. Frère, à quoi vous partagez ce message de la sœur Thérèse? Bien entendu, je partage ce point de vue, mais je voulais revenir un peu sur les propos de l'évangéliste tout à l'heure quand il parlait de l'islam. Moi, je trouve que c'est ce genre de discours qui crée justement le fondamentalisme. Parce que quand on estime que la religion d'un autre est forcément créée de manière luciférienne, moi je dis c'est ce genre d'attitude qui fait en sorte que on a des... parce que personne n'est terroriste. Personne n'est terroriste et personne, je vois pas quelqu'un qui pourrait prendre une arme et se mettre à tirer sur des gens qu'il ne connaît pas pour rien et mettre sa vie en danger aussi. Donc moi je me dis, c'est ce genre d'analyse qui fait en sorte que on crée des terreaux, on crée des sentiments radicaux. Donc aujourd'hui, l'islam est... Moi, je me dis, si l'islam n'était pas de Dieu, elle serait partie depuis. Il y a plus d'un milliard de personnes qui sont musulmanes. je crois que le débat n'est pas islam, christianisme. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que si on parle des attentats, on parle du terrorisme. Le terrorisme, tel que nous le présentent les médias, c'est le terrorisme musulman, le terrorisme islamiste. Islamiste, il y a l'islam dedans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on nous présente l'islam comme étant une religion brutale, une religion qui impose tout sa façon, sa vision du monde. Ok, on va prendre ce SMS et ça pourra peut-être nous relancer. On a pu assez le temps de Marcel, la soeur Marcel Tanga, que nous connaissons tous affectueusement. Je lui dis bonsoir en passant. Ok, effectivement. Elle dit, je crois que les chrétiens doivent arrêter de se laisser diriger par les médias. Oui. Le Saint-Esprit nous communique d'avance ce qui va se passer dans notre monde et souvent nous subissons l'ennemi comme le commun des mortels. Exact. Quel est le calendrier actuel de Dieu? Point d'interrogation. C'est celui qui doit nous préoccuper. Jésus pleurerait devant notre insensibilité, devant la main invisible de Dieu qui s'impose au monde, comme il avait pleuré sur Jérusalem qui n'a pas connu le jour où elle a été visitée. Oui. Le monde entier, pour la première fois, à ma connaissance, s'est uni en prière dans le pré. Nous n'avons vu que Paris après. Voilà, donc voilà le message de Marcel. Oui. Donc, en fait, ce que je voulais terminer sur ce propos parce que je trouve qu'il est très important. Moi, je vais pas dire, je sais pas si c'est une chance, mais j'étais là lors des troubles qu'il y a eu en Tunisie. Mmh. Et c'est un pays en majorité islamique, musulman. Et je peux vous rassurer que cette révolution qu'il y a eu, parce que c'était une révolution, nous étions entourés d'islamistes. D'islamistes, de gens, quand je dis islamistes, ce n'est pas les intégristes, c'est des gens qui pratiquent la religion musulmane. Et ces gens nous ont vraiment, en tout cas moi, dans mon petit appartement avec mes compatriotes camerounais, ils nous ont gardés. Donc c'est pour dire qu'il ne faut pas fustiger une religion, parce qu'il y a des gens qui trouvent en cette religion le chemin vers Dieu. Je voudrais réagir sur les propos de Frère. J'aime pas dire ici que c'est le fait qu'il soit terroriste, parce qu'il a dit qu'on n'est pas terroriste, personne n'est effectivement terroriste, mais il faut dire la vérité telle que, parce que nous sommes là pour la vérité. Bien, nous appelons cette émission Lumière sur les ondes. Lumière, on ne peut pas cacher, parce qu'on a, c'est ces choses qui fait des temps, c'est que l'église est laxiste comme ça parce qu'on a peur de dire et avoir des représailles. La Bible, il est en train de dire que c'est la religion de laquelle ce ne sont pas les terroristes. Ce n'est pas le fait que les terroristes, ça en prend aux gens comme ça que je dis que c'est luciférien. C'est pas cela. Lorsqu'ils parlent par exemple de l'accueil qu'ils ont réservé, si c'est pour comme ça qu'il va faire le temps que ça soit des dieux, Pharaon en a fait plus. Il a accueilli Joseph, il a accueilli comme ça et les juifs en Égypte, il a accueilli et accueilli favorablement Jacob et leur a donné des passés d'été à Gozin. Donc c'est pas cela. Les francs-maçons également sont calmes et autres, mais ils ne diraient pas que le fait que les francs-maçons subsistent depuis, c'est le fait que c'est la preuve que ça vient de Dieu. Quand quelque chose ne vient pas de Dieu, quand c'est noir, il faut dire que c'est noir. La Bible est claire. Si quelqu'un rejette Jésus-Christ, c'est un antichrist. Et il n'y a pas de double façon de le faire. Et la religion musulmane enseigne clairement que Dieu n'a pas de fils. Si Dieu dit dans le Coran, enfin, Allah dit dans le Coran qu'il n'a pas de fils, il n'a pas engendré, il ne peut pas engendrer, et que la Bible dit que Dieu, il a donné le témoignage de Jésus que c'est mon fils, je l'ai engendré aujourd'hui, forcément ces deux personnes sont en train de parler. Okay. Alors maintenant, c'est la Bible qui est la vérité. Ouais, ok, on a compris. C'est tout un autre débat. On reste dans les attentats du 13 novembre à Paris. Les Africains doivent-ils porter le deuil? Je crois que c'était le thème de ce soir. Et on va sortir parce que tonton Théo nous fait, il y a des grands signes d'une de l'autre côté de la baie vitrée pour nous dire que voilà, notre temps est pratiquement écoulé. Homme de Dieu, quelles sont les dernières recommandations? Déjà, je crois que sur la question devons-nous porter le deuil, vous avez été assez mitigé. Vous avez... Non, je n'ai pas, je suis par rapport à cette question, dit, je suis comme un observateur, je ne peux pas porter le deuil. Bien sûr, c'est pour ça que je dis effectivement. Donc, mais vous pouvez combattre. Je peux combattre, voilà, il n'y a pas de problème parce que les innocents sont morts et puis je peux continuer à prier pour que le Seigneur, l'Esprit de Dieu, comme la sœur vient de le dire, l'Esprit de Dieu touche les cœurs des uns et les autres. C'est-à-dire, on peut les apporter l'Évangile et c'est ça. Ok, alors c'est votre dernier mot, je crois. Alors, vous avez autre chose, allez-y. Donc, tout ce que moi je peux recommander, déjà, regarder mon propre pays et que les autorités prennent conscience, parce que ce qui se passe aujourd'hui à Bamako, ça peut se passer au Cameroun, à Douala, à Yaoundé, et que les chrétiens restent aussi vigilants par rapport à cette menace. Alors, Fred Akoua, est-ce que la Bible même nous enseigne qu'au dernier jour, on verra une nation qui s'élèvera contre notre nation, on entendra des bruits de guerre? Est-ce que ça doit nous surprendre aujourd'hui? C'est Jésus qui parle à cet endroit. Est-ce que ça doit nous surprendre aujourd'hui de voir, de constater ces choses? Non, ça ne doit pas nous surprendre, parce que dans Matthieu 24 que vous êtes en train de citer, vous allez bien voir que Jésus, avant d'y arriver, il met d'abord un point d'honneur à dire que la parole arrivera jusqu'au bout de la terre. terre. Mmh. Et aujourd'hui, je suis presque sûr que cette émission peut être écoutée jusqu'au bout de la terre. Bien sûr. Et c'est là où beaucoup de choses comme ces bruits de guerre commenceront. Mmh. Quand la parole sera capable d'arriver jusqu'au bout de la terre. Okay. Donc pour moi, ça ne me surprend pas. Et je terminerai juste en disant que je porte le deuil. Mais je porte le deuil de l'humanité. Ouais. Parce que je crois que c'est l'humanité tout entière qui n'arrive pas à se réconcilier avec son Dieu. Vous êtes au courant que 8 personnes sont mortes il y a 2 jours aux côtés de l'extrême nord? Oui, je sais. Vous avez jeûné pour ces personnes? Bon, c'était juste pour rire. Pour qui c'était juste pour rire. Parce qu'il disait qu'il porte le deuil de nos compatriotes, des Français. Oui. Non, alors, je porte le deuil de l'humanité. Oui. Parce que c'est Jésus a dit, je vous laisse ma paix, mais pas comme le monde vous la donne. Mmh. Ouais, parce que c'est exactement le fait que le monde veut donner sa paix comme elle croit, qui produit des actes terroristes pareils. Évangéliste et Liber Tronchabda, vous avez fait une révélation cette soirée de savoir qu'effectivement, c'est le courant musulman qui sera, je vais dire, la charrue alors, qui va accompagner tout ce désastre que le monde va connaître. Et ça va, je répète encore, ça va, parce que si est sur internet, ça va aller crescendo. Et ce n'est que le début des douleurs. Le Seigneur Jésus-Christ a prévu que ça doit arriver ainsi. Et Fred a dit tout à l'heure qu'il ne pense pas que Dieu est derrière. Dieu est derrière tous les événements. Dans Lamentations chapitre 3, verset 35, la Bible déclare, arrive-t-il quelque chose sur la terre sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Il n'y a rien qui se prend Dieu dans son plan. Ce n'est pas un événement qui va arriver avant que Dieu sera au ciel en train de penser qu'est-ce qu'il veut faire sur la terre. C'est dans son plan que ça arrive comme ça. Le nombre de personnes qui vont mourir sont prévues par lui. Tout ce qui est censé arriver, on ne peut rien y faire. Quand Dieu donne les prophéties à ses enfants, c'est pour les prévenir, les garder là-bas. La Bible déclare dans Psaume 9, le verset 10 que le Seigneur Jésus est quoi? Que Dieu, l'Éternel est le quoi? Il garde les opprimés au temps de la détresse. Il est le secours, il est le refuge. Okay. Donc j'aimerais dire que toutes les nations, comme ils ont rejeté Jésus, et nous parlons de nations étrangères, nous voyons parce que le Cameroun a fait. Le préambule de la Constitution institue le Cameroun comme un pays laïque. C'est déjà un rejet du Seigneur Jésus-Christ sans s'en rendre compte. Ça va être terrible. Ok, alors on prend ce dernier message pour fermer cette émission. Bonsoir. Nous devons compatir à la douleur des autres, car chrétiens ou non, nous sommes tous des enfants de Dieu. La parole de Dieu nous exhorte à prier, de prier les uns pour les autres, nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. Le message est signé de la sœur en Christ Muriel, à qui on dit bonsoir. Mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté cette émission, merci d'avoir été nombreux à participer en nous envoyant des messages, en nous appelant. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une autre émission. D'ici à là, que le Seigneur vous comble. Excellent début de week-end, sous la grâce. Vivement donc, si notre pays également touché l'Afrique, on aurait une émission pour en parler. Bien sûr, on ne parlera pas seulement. Parce que cette émission-ci et cette thème-ci montrent clairement que nous portons le deuil là. Oui, bien. On a parlé souvent de Boko Haram ici, frère évangéliste Elibé Tronchabda, qui n'arrête pas de faire des morts dans le septentrion. On a souvent parlé de ça, rassurez-vous. C'est le plan de Dieu. Nous sommes assez patriotiques. Mesdames et messieurs, bien le bonsoir. Au revoir.